Application mobile de CISM. Bonjour à toi, cher auditeur de la marge. Et oui, tu écoutes Critique de Crowd avec Jolaine Ruet jusqu'à 4 heures. Critique de Crowd, ben oui, je critique les foules. Je t'observe, Crowd. J'aime ça danser avec toi, trasher avec toi, avoir bien du plaisir. Et ce fut vraiment le cas durant la guignolée de l'Underground. J'y étais, c'était vendredi dernier. Ouais, j'ai eu le temps d'hésiter, je me suis dit, est-ce que c'était vendredi ou samedi? Très longue fin de semaine. Mais non, c'était vendredi dernier au Fofone Électrique pour une 10e édition et il y avait les Goulunatics et le dernier spectacle à vie des Blinded by Fate et il y avait en tête d'affiche, si je peux bien me permettre l'expression, Groovy Aardvark. Ah ben oui, c'était une très belle brochette d'invités, alors je ne pouvais ne pas y être. Et vraiment un très bon spectacle et une très belle crowd. Et ben oui, sinon, critique de crowd, c'est aussi bien. Jolaine qui jase, ouais, je parle beaucoup. Et je parle beaucoup trop souvent de ma gestion du temps, ce qui fut encore le cas pour pour arriver à temps au spectacle de Blinded by Fate. Alors, je vous reviens là-dessus tout de suite après. Cette chanson de Brutal Chérie, ben oui, je vous avais toujours pas passé une chanson de leur plus récent album, Antisocial et Brutal. Et cette fois-ci, ben, cette chanson, justement la chanson-titre de l'album Antisocial et Brutal, se retrouve sur la compilation Sample de 2017 de Guérilla Assaut. Vous pouvez aussi retrouver, bon, bien évidemment, Guérilla Assaut, vous retrouvez des chansons de Guérilla Poubelle, mais aussi de Justine de Sport, de Union Jack et Charlie Fiasco et mon autre groupe et plein d'autres groupes français. Même, je crois que Brutal Chérie, le seul groupe québécois qui se retrouve sur la compilation, c'est à fait, ouais, tout à fait honorable. Je crois aussi qu'ils se retrouvent à ce temps dans leur collection. Allez voir le site, allez voir le Bandcamp. Il y a beaucoup de belles choses à découvrir. Mais pour tout de suite, allons tout de suite entendre Antisocial et Brutal sur les ondes de CISM. Brutal, chérie, sur les ondes de CISM avec la chanson Antisocial et Brutal. Et oui, vous écoutez toujours Critique de Crowd. Spécial, parce que j'aime toujours que mes émissions soient spéciales. Oui, spécial guignolé de l'Underground. C'est la première fois que j'y allais. Et pourtant, c'est la 10e édition de l'événement qui est organisé par le bassiste des Goulunatiques, Gary, et qui invite toujours des... j'allais dire inviter des invités, bravo, mais oui, il y a aussi des invités parmi les groupes. Il y a bien des belles surprises. Mais il invite sur beaucoup des groupes que je considère bien marquants pour la scène québécoise, et particulièrement cette année avec Groovy Hardwork, les Goulunatiques. C'est vraiment des vétérans, c'est des références qui ont marqué les années 90 et qui vont même au-delà de ça, parce qu'ils sont aussi... je trouve important aujourd'hui. J'ai l'impression que je fais attention aux mots que je me sers, parce que oui, la crowd, c'est aussi des fans qui vont avoir suivi. Quand même plus jeune que j'aurais cru, mais vraiment des faufounes électriques pleines. C'était bien agréable, oui, d'y être, les faufounes électriques. J'ai eu une drôle de conversation, c'est drôle, mais les faufounes, je réalise de plus en plus à quel point c'est une salle où je vais voir des spectacles, puis qui sont marquants, puis que c'est des fois mes spectacles de l'année, et que des fois, certains gens, avec le temps, et oui, avec l'âge, vu qu'on en parle, ils vont de moins en moins, peut-être parce qu'ils la trouvent un peu crade, mais... J'ose pas le dire à vote. Mais oui, elle est pas rénovée. Elle reste telle qu'elle, nos foufes. Mais que, ouais, encore une fois, je trouve que ça continue dans cette lignée-là. Il y a tellement des shows que je trouve marquants qui se passent aux foufes. Je sais pas, il y a une atmosphère. Il y a aussi une belle programmation. Tout ça va ensemble. Et justement... la guignolée de l'Underground, ben, ils ont toujours des beaux invités. Je pense à l'année dernière, il y a Yoguri en 2015, Grimmskunk, Les Écorchés, Buffalo Theory, Montréal, encore une fois, Goulunatiques en 2013 avec Insurrection, Arsenic 33. Alors, encore une fois, pour tous ceux qui sont habitués de, oui, la scène métal du Québec, là, ce qu'on pourrait dire rock aussi, là, pour aller plus largement, et est toujours au rendez-vous à la guignolée. Et comme je vous ai dit, cette année, je trouve ça vraiment incroyable, les groupes qu'il y avait, mais aussi l'occasion. Et quand je parle des foufs, ben justement, Groovy Hardwork, ça faisait 15 ans qu'il n'était pas allé. Et quand j'ai vu le chiffre, j'étais comme « Ah! Faut absolument que j'y sois! » Je me dis, il va se passer quelque chose de spécial, tout simplement parce que après 15 ans d'absence, ce sera pas banal. Il va se passer de quoi, c'est certain. Les Goulunatiques, c'est sûr qu'à être à de l'organisation, ils allaient y être. Et c'est la 7e prestation qu'ils font en 10 ans. Ben oui, ils ont arrêté, mais ils sont toujours un peu de retour. Je crois que c'est pas la première fois non plus, je les voyais en spectacle. Mais j'étais bien heureuse de pouvoir y assister. Et finalement, Blinded by Fate, pour tous ceux qui suivent le groupe depuis 20 ans, ben c'était leur tournée d'adieu et clôturait même ce soir-là. Alors, dans l'émotion, on pouvait en vivre une variété. Je veux dire, être fan ou non, surtout que c'est eux qui ouvraient la soirée, et même très, très de bonne heure. Je crois qu'il y a quand même toujours quelque chose de particulier de savoir qu'on assiste au tout dernier spectacle d'un groupe. Même si on mentionnait qu'il allait en avoir d'autres projets, ce n'est jamais une véritable fin lorsqu'on est musicien. Sur ça, ben oui, j'étais emballée d'aller à la guignolée. Mais bon, vie sociale fait en sorte que je suis complètement perdue dans Rosemont. Ah, c'est grand Rosemont, hein? C'est pas toujours proche des transports en commun. Et j'avoue aussi que sur l'événement Facebook, il n'y avait pas beaucoup d'informations qui se trouvaient de l'événement de la guignolée. Bien, je voyais pas à quelle heure le spectacle commençait. Il y avait juste l'heure d'ouverture. Les foufs ouvrent à 7. Je suis comme enchantée. D'habitude, quand on dit 7 heures, dans les shows métal qui ont comme 5 bands, ben oui, le premier groupe va jouer comme à 7h30, comme de fait. Mais là, il y en avait juste 3. Il y a juste l'heure d'ouverture. Est-ce que c'est pour nous proposer de boire plus de bière avant que le spectacle commence? Question qu'on soit de Je sais pas trop. Mais justement, là, je commence à avoir une petite crainte. Il est 7h30, puis là, je me dis, ah, si les portes sont à 7, à quelle heure je devrais arriver pour au moins voir une couple de tunes de Blinded? Et en vérifiant de dernière minute sur l'événement Facebook, là, je regarde si les gens ont posté des commentaires ou si l'heure a été affichée, et je vois 7h30, et il était 7h38, j'étais comme, non! non! J'étais en retard et oui, il était aussi long que ça dans ma tête et vendredi dernier, mon nom. Ben, je me disais, quel mauvais timing! Je vais jamais arriver, attends! Et surtout, pourquoi, Jolene, te gênes-tu autant pour toi-même pas écrire sur les commentaires de l'événement Facebook? Je veux dire... Tu veux le savoir, écris, tu vas l'avoir une réponse. Là, ça prouve juste que je suis timide sur les internets et que je fais juste subir les conséquences. J'avais juste à écrire puis j'aurais eu une réponse. Mais je suis certaine que je ne suis pas toute seule dans cette situation-là. On attend tout un peu comme des tatas à savoir c'est quoi l'heure des spectacles puis des bands qu'on veut voir, là. Je crois que je l'ai pris comme une leçon cette fois-ci. Parce que pour de vrai, là, je me suis sentie tatate. Là, j'étais là, je pense que j'étais sur les promenades maçons. Puis là, j'étais comme, il me faut un taxi au plus vite! Et je me sentais comme dans un film d'action, mais avec comme des émotions fortes, inutiles. Ah, vraiment, là, tu sais, c'était anodin. J'étais juste en retard parce que, comme d'habitude, je gérais très mal mon temps parce que je suis gênée d'écrire des questions sur Internet puis savoir l'heure des spectacles. Bravo, bravo. Mais reste que là, j'étais là, en plein promenade maçon, en train de me dire, je vais arriver en retard, je vais voir au moins une chanson, je veux voir comment était cette foule. Et je vous le dis, je me disais, voyons, la patate me pompe, mais c'est complètement inutile. Et j'étais un peu déçue par moi-même, et justement, là, je hail un taxi en me disant, ah, quelle dépense inutile, je pourrais donner plus d'argent, parce que la guignolée de l'underground, c'est aussi pour ramasser des fonds, et je pourrais faire comme un don supplémentaire au lieu de payer un taxi, tu sais, dans la vie. Là, quelle dépense inutile, encore une fois. Reste que ça a été un taxi silencieux, mais ô combien agréable. Ouais, dit de même, c'est bizarre, là, mais... Pas une grande rencontre crowdienne, là. Il y avait juste le chauffeur puis moi. Mais au lieu de, je sais pas, écouter la radio parler, des fois c'est con, mais des fois, des fois ils passent des bouts de radio puis je trouve ça intéressant. Je l'écoute autant que le chauffeur puis je suis comme, oh mon Dieu, c'est bien intéressant ce petit topo culturel. Mais cette fois-ci, c'était un véritable amateur de rap old school. Et là, les chansons s'enfilaient jusqu'au foufoune électrique et j'étais complètement obnubilée par ses choix musicaux. Parce que c'était visiblement pas la radio. Puis en même temps, bon, la gêne m'aura eu deux fois plutôt qu'une dans cette anecdote-ci. Mais là, on dirait qu'il était juste concentré. Il était pas très bavard. Je pense qu'il m'a à peine dit bonjour. Mais on était tous les deux là à écouter sa musique. Et j'étais trop gênée pour lui demander c'était quoi les groupes. Parce que je me suis dit, oh mon Dieu, j'ai soif de savoir. Je connais tellement mal le rap. Il pourrait me donner deux, trois cues. Et peut-être que finalement, je connaîtrais les noms puis je serais heureuse. Ou peut-être qu'inversement, oui, je pourrais mieux apprendre. Et ça aurait été comme un moment de découverte avant d'arriver au fond électrique. Mais non, je me suis tue tout simplement. Et comme d'habitude, mes référents rap seront toujours grâce à Ghetto Érudit et les frères les plus mognes en ville. Alors non, ça ne se passera pas. Mais pour ce moment-là, qui était un moment de stress, là, comme je vous dis, inutile de chez inutile. Mais j'avais envie de rendre honneur, même si je sais bien qu'il n'écoute pas la radio. En même, on va lui rendre hommage à ce chauffeur de taxi qui passait du vieux rap. Mais étant donné, mes genres et aussi sachant que IAM a été fort marquant à la clôture des Francofolies, ben oui, j'avais envie de passer l'école du micro d'argent avec la chanson Dangereux. Ce sera suivi de Attache ta tuque. I am dangerous, dangerous, dangerous, dangerous. Du verbe sur un papier, compose des textes et des scandes. Oui, ma langue est déliée, mon délié de parler haut. Relater ce que mes consorts n'exprimeront jamais dans un micro. Les camps sont marqués, nous sommes simples lecteurs. Mais rien n'empêche d'apporter plus de terreur dans leurs erreurs. Je pensais ne même pas les effleurer, mais j'ai dû déchanter quand le juge a voulu me convoquer. Ce n'était pas la première fois pour un groupe de rap que la censure frappe et les citations tapent. Va donc, je me suis dit, le texte est cool, y'a pas de info. J'étais devenu l'ennemi public des ascétiques. C'était clair, les hauts placés voulaient mon trophée. Un mois après, ces endos fait bloquer mon dossier. Ce que le cinéma se permet, la télé, les livres et les magazines, pour nous c'est prohibé. Incitation à la violence. C'est comme si pour chaque meurtre on inculpait Jack Balance. Des problèmes de communication. Les RG écoutent toutes mes conversations. J'en ai des frissons.

Oh mon Dieu, je la trouve efficace, cette chanson-là, que j'en perds mes mots. Alors, il y a trop de shit de Attache ta tuque, l'album La guerre des tuques. Et vous avez entendu Dangereux de I am, l'école du micro d'argent. Et vous écoutez toujours Critique de Crowd. Oui, oui, qui est sorti de ses habitudes de rock et de musique qui varge pour vous passer, une bonne section de rap. Alors, sur ce, ben oui, je débarque de mon taxi qui était à fond la caisse dans le hip-hop pour me diriger au Fofoun électrique. Et où je suis accueillie avec plein de boîtes brunes pour pouvoir récolter, les dons alimentaires. Et accueillie aussi par le Grunch. Oh mon Dieu, le bonhomme vert. Pourquoi je me rappelle plus de son nom? Pourquoi je me rappelle juste du Père Noël, mais pas son penchant méchant? Ah wow, les classiques de Noël m'échappent en direct, c'est merveilleux. Alors bref, il y a le bonhomme vert qui nous accueille, puis des boîtes brunes, c'est fort sympathique, ça donne déjà le ton du temps des fêtes avant même de rentrer dans la salle. Faut dire, il n'y a pas vraiment de décoration non plus, il n'y avait pas un sapin. Il y avait quelques personnes qui s'étaient décorées, je peux pas dire déguisées. Il y en a un, il était comme décoré de lumière de Noël, dont la technologie permettait qu'il puisse bouger sans être plugué après une prise de courant. Oui, c'était des lumières à batterie, là. Mais reste que c'est ça. Il y avait des gens qui s'étaient agrémentés de décoration, mais qui n'étaient pas nécessairement déguisés en fait des étoiles. Il y avait juste le bonhomme vert. Fait que bref, j'arrive et... À ma bonne surprise, je crois plutôt que le spectacle a commencé à 7h45, le temps que je cours à la vitesse pas de la lumière. Je crois que j'ai vu au moins la moitié du set de Blinded by Fate. Pour tous ceux qui ne les connaissent pas, c'est un groupe qui existait depuis 1996, qui a commencé en faisant du black metal mélodique, mais qui a surtout par la suite fait dans le death mélodique. Et je suis bien heureuse d'avoir été présente, c'est sûr que c'est le premier groupe de la soirée, fait que c'est pas l'énergie n'est pas à son comble, mais inversement, non, je veux dire, le pit était implicite parce qu'il y avait encore beaucoup d'espace vide en avant, mais pour un show qui commence à 7h45, pour moi, c'est quand même assez tôt, même un show d'habitude, ça commence comme à 8, là, dans ma tête, il y avait beaucoup de monde, oui, ça, c'est assez certain. C'est juste que les gens n'étaient pas encore préparés à trasher intensément dès le début. Et c'est comme 2-3 tannants, là, tu le vois, qui veulent s'énerver. Quand je dis tannants, tu sais, ils sont déjà en train de finir leur bière et ils la finissent pas de façon discrète. Ils pendent la langue pour bien récolter la dernière goutte. Mais au final, ils vont en avoir du trash parce que même le chanteur va le mentionner durant le set. Hey, que c'est d'habitude, il y a comme une loi non écrite qui dit qu'on trash pas avant 9 heures. J'ai trouvé ça très drôle parce que ça dépend vraiment du contexte. Là. Dans le fond, je comprenais que c'était surtout en disant que ça n'arrivait pas souvent dans les premières parties, comme je disais. Mais en festival, à l'extérieur, il peut y avoir bien d'autres situations que 9h pile. Mais oui, les gens avaient envie de donner une dernière fois de l'amour à Blinded. Et ça se prouvait à ce moment-là pour avoir trashé. C'était surtout comme des grands coups de bras. C'était peu nombreux pour les gens. Alors, c'était comme des poignées de gens qui récoltaient leurs amis et qui les ramassaient dans le pit qui était déjà présent. Quand je vous dis que le code culturel était plus dominant que l'action en tant que telle, c'est parce que oui, l'espace, le terrain de jeu est installé, il ne manquait que les participants et justement, on allait chercher ses amis pour qu'ils participent. Et quelques headbangs aussi, il y en avait un, c'était un beau headbang bien échevelé, là. On dirait que tu voyais tout le dégradé de sa coupe de cheveux pendant que ses cheveux, il faisait un beau... Ah, plus qu'un 90 degrés, tu sais, quand tu pars, là, puis t'arques bien ton dos, là, ça donne... Ça fait un bel arc, en tout cas, de cheveux, là. Il rayonne comme le soleil. C'était très, très beau. Et aussi, ce qui était beau, c'est que le groupe, on le voyait qu'il était reconnaissant, parce que... Je trouve ça aussi quand même particulier pour un spectacle d'adieu. Des fois, il y en a qui vont préférer être la tête d'affiche, tandis que là, c'était complètement l'opposé. Mais l'occasion est si belle que je les comprends aussi d'avoir voulu que ça soit la fin durant la guignolée de l'Underground. Et quand je dis reconnaissant, c'est qu'ils ont dit... Ils ont remercié la foule. Ils ont dit, on s'attendait pas que vous soyez autant. Puis j'avoue que je trouve ça comme très humble et très beau. Et aussi, même à la toute fin du spectacle, il y a une fille qui est montée sur scène... Elle doit les connaître, là. Je... On dirait que je parle de timidité depuis le début de l'émission, mais genre, faut quand même un petit peu que tu connaisses la band, là, pour monter sur scène. Tu prends ton temps, puis là, t'en vas donner des shots à tous les musiciens. Alors, et elle s'est aussi permise au micro de jaser, de dire, de les remercier pour toute la musique qu'ils ont à faire. Ça, encore une fois, je trouve ça très beau qu'une fan puisse se permettre de monter sur scène et rendre hommage à la toute fin. Moi, en tout cas, comme groupe, il me semble qu'ils n'ont pas versé de petites larmes, là, mais ça aurait... ça aurait pu être l'occasion. Hein, même, ça paraît qu'on fait de la musique de tof. On ne pouvait pas faire couler des petites larmes. Mais à la toute fin du spectacle, il y a eu un moment que j'avoue que... C'était pas clair, et boy. À la toute fin du spectacle, le chanteur, il nous invite à soit donner un coup de tête comme un headbang, ou il demande qu'on lève les bras. J'avoue, là, les deux mouvements, mais il me semble que tu sais, c'est deux parties du corps qui sont différentes. Là, ça devrait pas être si comme... il devrait pas avoir de confusion, mais complètement. Moi, je comprenais pas du tout ce qu'il voulait qu'on fasse. Fait que là, il dit « OK, à go, on fait ça ». Fait que là, les gens, ils lèvent les bras ou ils crient. Là, c'était pas super clair. Et lui, après qu'on ait fait une première tentative, il nous fait des signes de pouce en l'air en bas. Là. Il fait des choux de la main. Et on a refait au moins trois fois en tout. Et j'étais tout le temps dans cette ambiguïté-là, comme... Qu'est-ce qu'il voulait qu'on fasse? Voulais-tu qu'on headbang ou non? Ah, c'était pas clair! C'est rare, je trouve, que... tu sais, d'habitude, c'est taper des mains, faites la vague, on part un wall of death. Tu sais, c'est comme des demandes qui sont soit récurrentes, soit relativement claires. Et cette fois-ci, j'étais comme, oh mon Dieu, j'ai vraiment aucune idée ce qu'il veut qu'on fasse. C'est comme un projet! C'est un projet, là, mais... Mais ouais, c'est ça. On dirait qu'il nous manquait deux, trois instructions. Une petite clarté dans le mouvement qui aurait peut-être fait la différence. Ou juste qu'on était un peu pogné peut-être pour faire un headbang. Peut-être que c'était juste ça, qu'on était peut-être un peu coincé puis qu'on voulait pas comme headbanger là, le genou, le pencher là. Je sais pas, ça va rester un mystère puis je trouve ça beau que le show reste sur un mystère, mais ça s'est quand même terminé, oui, sur une bonne note parce que au-delà disons de ce moment flou, je trouve que ce qui est ressorti de cette performance là, c'était une conclusion amicale. Comme je l'ai dit tantôt, ils ont dit c'est un peu comme ce n'est qu'à suivre, ils vont avoir d'autres projets musicaux. Puis ça sonnait comme ça. Il y avait une amitié, il y avait quelque chose d'amical avec la foule et que ça disait « à la prochaine ». Tu sais, « Blinded by Fate », c'est fini, mais à bientôt. Puis je trouve ça très, très beau. Alors sur ce, ben aussi parce que tu sais, des adieux larmoyants, puis après ça, vous faites des comebacks. Les émotions auront été intenses, mais éphémères. Alors voilà, je trouve que c'est une belle façon aussi de voir les choses pour conclure. Oui, quelque chose d'important tel qu'avoir un groupe et y mettre beaucoup d'amour et d'énergie. Sur ce, ben écoute, leur dernier album, tu sais, quand même, il date un peu, c'est 2012, Chernobyl Survivor. Fait qu'on va aller écouter une chanson, justement, de cet album. Rapture, robot, Travel Rings. C'est la chanson que vous venez d'entendre de Blinded by Fate sur leur album Chernobyl Survivor. Vous écoutez toujours Critique de Crowd. Hey, merci, toi, gentil gaillard qui a appelé mais qui est resté anonyme pour me dire, vas-tu passer plus de rap? Ah! Bien hélas pour toi, mais bien heureux pour tous les rockeurs, auditeurs de la marge, parce qu'il y aura du rock, encore plus de rock, puis encore plus de rock. Et je vais aussi surtout parler des Goulunatics et de Groovy Aardvark et de Gaminet. Oui, oui, tout ça après les publicités. À tout de suite. Mara Tremblay, porte-parole de la 24e édition du Festival Noël dans le Parc, le plus grand festival de Noël à Montréal, qui aura lieu du 1er au 25 décembre. Musique, culture et tradition, avec Louis-Jean Cormier, Vilain Pingouin, Damien Robitaille, Croy et bien d'autres. J'y serai moi-même, le spectacle d'ouverture du 1er décembre. Noël dans le Parc, une foule d'activités en plein cœur du centre-ville. Des spectacles gratuits dans une ambiance réconfortante et magique. Pour plus de détails, visitez noeldanslepark.com. La famille Ouellet en session live à CISM le jeudi 14 décembre dès 19h. Nous partirons. La session live présente les meilleurs groupes du moment en direct de nos studios. Éternellement inassouvis. Manque pas ça les jeudis 19h au 89,3 FM ou sur l'application de CISM en tout temps. Vous écoutez CISM 89.3 FM. Mais jamais, non, jamais ai-je cru arriver le dernier en prenant le chemin pour jamais, non, jamais ai-je cru arriver le dernier. Je sais pas vous, cher auditeur de la marge, mais je trouve qu'elle a quelque chose d'estival, cette chanson de Mauve, longtemps sur leur album Coco. Et même si pour moi, ça éveille le soleil dans mon cœur, ben ils seront plutôt dans la neige, puisqu'ils sont en spectacle au parc Émilie Gamelin ce soir, dans l'occasion de Noël dans le parc, qui se déroule, oui, ce soir, entre autres avec Mélanie Venditti et Mauve, mais qui se déroule aussi jusqu'au 25 décembre. Fait que va checker la prog. Sur ce, ben oui, t'écoutes toujours Critique de Crowd avec Jolaine Ruet et toujours bien des suggestions à vous faire, Crowd, parce que c'est le fun de vous en parler, c'est le fun aussi de vous voir dans la foule. Et ce soir, il y a aussi le spectacle de Noël d'Eddie Dobies avec Joe Rocca et Rap Mummies au Centre Phi. Il y a aussi Pierre Lapointe au Théâtre Corona. Il y a d'autres dates, fait que va checker, parce que hein, si tu peux pas ce soir, ça se peut que ça puisse d'autres soirs. Tout comme Tire le Coyote, si je me trompe pas, il est complet ce soir, fait que t'es mieux d'y aller vendredi au Théâtre La Tulipe. Et sinon, vendredi, Gab Paquet, ah, qu'il est bien bon en spectacle. La fois que je l'ai vu, c'était au Divan Orange. Et justement, il y retourne avec Miss Sasseur et les Sassises. Et vendredi, il y a également Clope Elgag au Club Soda. Vendredi, grosse soirée pour la famille de la marge, puisque à partir de 4 heures, ce sera notre top 50 qui sera dévoilé. Si la tendance se maintient, j'ai aucune idée si je vais faire un tour. Ah! Non, je vais essayer de venir dire un petit coucou, mais ouais, je suis un peu occupée à écrire ces temps-ci, fait que c'est à suivre. Reste en train d'écouter la radio, cher auditeur. Et sinon, ben écoute, ça peut toujours être agréable aussi de nous croiser en personne. C'est le party de CISM au bar Le Terminal, après ça, pour toute la nuit. Et samedi, oh mon Dieu, je dis oh mon Dieu parce que Disquiet Army, il lance un livre, mais il sera pas en prestation à l'Atomic Café. Il faut que tu attends le 21 décembre à la Casa del Popolo, puis il va jouer avec Basalt. Ça risque d'être une très, très bonne soirée. Mais si tu vas aller te procurer le livre, vas-y samedi. De plus, le même soir, à même place, c'est le party de bureau de l'Œil du Tigre. Et il y aura Milanku, Apps, plein d'autres groupes qui vont jouer à partir de 8 heures. Alors, du plaisir et du bruit fort agréable à entendre dans Schlaga, puisque Atomic Café se retrouve sur la promenade. Alors sur ce, ben écoute, dimanche, il y a le Quai des Brumes qui offre toujours son déplug, un grand classique. Et pour Noël, très belle occasion de voir. On avait confié avec Géraldine et Otari, avec le Théâtre du Futur. Je sens qu'il va y avoir de la magie dans l'air ce soir-là. Et sinon, oh mon Dieu, là je fais bien de la... Je fais bien la recherche quand je veux vous suggérer des choses. Oui, des fois, je mets des événements importants. Et d'autres fois, je tombe sur c'est pas des spectacles, c'est juste comme des événements Facebook. Et je me dis, oh mon Dieu, c'est bien incroyable. Mais vois-tu, Crowd, dimanche, à la SPCA, spécialisée des animaux exotiques de Montréal, ça a l'air qu'il est sur Jean Talon, ben il y a une journée pour la coupe de griffes et de la vente de foin. Mais là, je capote un peu sur la coupe de griffes parce que là, ça invite genre tous les propriétaires de lapins, cochons d'Inde, d'oiseaux, fait que sûrement comme des perroquets, là. Je sais pas c'est quoi les griffes des autres oiseaux. OK, je m'y connais vraiment mal. Et des furets, des hérissons, des petits rongeurs comme des rats, des dégus, des hamsters sont invités à se faire couper les ongles en groupe. Je capote. J'ai envie d'y être. Juste pour voir comme une crowd d'animaux qui va se faire couper les ongles. J'adore l'événement. Soyez-y. Ramenez-moi des photos parce que je suis vraiment fan de lapin. C'est l'animal le plus adorable au monde. Je veux dire, ça gambade. C'est ça, sa job dans la vie. Fait qu'à ramener des photos à Critique de Crowd, puis je vais être comme une femme comblée pour la fin de l'année. Et je serai reconnaissante pour vous, chers auditeurs, qui êtes toujours aussi... toujours aussi game. Alors voilà, c'est ma suggestion dimanche. Sinon, lundi, il y a une ligue d'impro au Théâtre Sainte-Catherine qui joue les lundis. Vas-y gaiement. Parce que mardi... Bruit de criquet, c'est assez tranquille. Mercredi, finalement, à l'ESCO, il y a Population 2. Et Loch Ness, on ne sait pas lequel qui va jouer en premier. Ce sera une partie de pile ou face qui va le définir. Alors, soyez-y à l'heure! Sur ce, on va continuer avec les chansons du palmarès francophone. Et oui, qui prendra un break durant le temps des fêtes. Alors, allons entendre L'œil Capril et Zen Bambou. Et mon nom a oublié prochaine nuit. Une incandescente pour les idées sans lumière. Encore, tu fais l'innocent. Mes frissons montent à l'envers comme des poussées en corbillard. Oh ouais, il est tard, je le sais. Mais viens-t'en, j'y consens, je suis prêt, j'ai rangé ma chambre. Oh ouais, j'ai lavé ma bouche. Oh ouais, j'ai chauffé mon sein. J'ai mes oreilles et qu'un gars, j'trouve plus mon fun nulle part. Mais l'hiver me plaît un peu plus que j'aurais pris. Toi aussi, la nuit, ça s'écrit dans le feu. Ah oui, entre nos sangs cachés, rivière pareille à portée de canal, à portée de main, et plus personne ne juste des pieds incontrôlables. Et j'ai aimé avec mon pied. Et j'ai aimé avec mon pied. À chaque fois. C'est rare, je vous mets la numéro 1, mais j'avais bien envie de terminer l'année du palmarès avec justement celui qui y trône, Zen Bamboo et la chanson « Si c'est correct » de leur album volume 2, plus mature, plus assumé. Et vous avez entendu une nouveauté, c'est Loïc Aprilé, sa chanson « Mermine sur tes décombres » pour toutes les autres chansons. Et pour le top 50, très très bientôt, ben, c'est ism893.ca. Ben, c'est une bonne place pour trouver ces informations. Sinon, ben, écoute, t'écoutes toujours Critique de Crowd, hein? Ce spécial guignolé de l'underground. Et ça me fait toujours bien plaisir de vous rapporter, ben oui, mes observations de la foule et mon appréciation du spectacle. Et nous voilà bien rendus au show des Goulunatics que je commence à hésiter. Je suis comme, voyons, j'ai-tu déjà vu en spectacle? À quel point je fais de l'amnésie dans la vie? Je veux dire, ça me rapporte. Je suis certaine que je les ai vus quand ils ont fait leur adieu en 2008 durant le Metal Fest de Trois-Rivières. J'hésite beaucoup parce que j'ai acheté leur album par la suite au même événement, au Metal Fest. Il y a plein de kiosques avec les albums. Puis là, j'étais comme, ah, nostalgie m'emporte. Je veux avoir tous leurs albums. Je pourrais plus vous dire. Parce que oui, le groupe, techniquement, est séparé depuis 2008. Ils existaient depuis 1994, mais depuis 2012, ils reviennent de temps à autre pour bien faire plus plaisir à leurs fans. Et pour le mieux, ils sont efficaces sur scène. Ils sont bons à voir. Et c'est dans un début de show assez informatif que le tout a commencé. Même que le chanteur, il a dit 20 ans de carrière pour ça. Parce qu'il disait, on avait pensé faire une mise en scène, faire une introduction, puis on arrive un peu, comme je dis, informel. Ce qui est drôle, c'est qu'il aurait pu tout simplement arriver en commençant avec une chanson, puis on n'aurait jamais réalisé qu'il voulait faire un concept. Mais des fois, la transparence ou la surhonnêteté l'emporte. Mais j'y voyais là surtout, oui, un sentiment de proximité avec leur crowd et ça l'est. Ah oui, ça l'est parce que le chanteur est vraiment, mais déjà, j'allais dire déjà, il est un peu comme une goule, ça donne bien, il est dans les Goulunatics. Non, mais tu sais, il est souvent penché, il fait un peu goule, fait que ça donne aussi l'occasion d'être proche des gens qui sont à l'avant-scène. Et oui, les gens aussi vont être bien en avant, c'est bien crowdé là, à ce moment-ci du spectacle. Fait qu'il va à quelques répétitions brasser une coupe de cheveux en avant. Oh oui, il faut quand même aimer sa foule. Il y en avait un qui portait une calotte, il avait l'air d'avoir un peu moins apprécié. Quoique, on voyait qu'il avait l'air d'être plutôt camarade là, avec cette personne-là, justement, en particulier. Et, oh mon Dieu, ben, parlant de calotte, en plein milieu du spectacle, il y a quelqu'un qui avait une calotte des Expos qui lui donne. Alors, de façon bien fanfaronne, il va aller se prendre pour un rappeur sur scène avec sa calotte des Expos, tout en continuant à gueuler, parce que oui, les Goulunatics, ils font dans la musique, moi, j'allais dire bien beaucoup de tal, mais c'est du death, c'est V, mais c'est très... Il y a beaucoup de groove, tu sais, dans leur musique. Alors, il y a aussi beaucoup d'humour comme de fait à l'intérieur, à la fois avec la proximité avec la crowd, comme cet exemple-ci, mais aussi beaucoup de théâtralité. J'allais dire, je trouvais qu'il faisait très kinky avec son micro, mais il faut quand même que j'explique. C'est parce que oui, t'as l'impression qu'il fait un peu du bondage avec le fil de son micro. Il se l'entoure autour du cou, il se le passe un peu partout sur lui. Mais il va aussi beaucoup faire des coups de lasso. Il fait tourner, puis après ça, il swing en l'air, le rattrape, joue avec. Ça fait une très belle prestance, très scénique. Ça donne le goût de le regarder. Je sais pas à quel point ça donne un esprit festif au spectacle. Je dis ça parce que je crois que les gens étaient animés tout simplement par l'envie de fêter. Oh oui, vendredi soir, petite bière, ta gang d'amis, du plaisir à l'horizon. Ouais, ça sentait ça. À droite, le pit était on et off. Là. Des fois, c'était vraiment d'une chanson à l'autre. Oui, par rapport à la musicalité, des fois, si c'était moins rentre-dedans, peut-être que ça donnait moins le... L'occasion, non, c'est juste ça a donné moins. Je pourrais pas dire, ça a vraiment été intermittent jusqu'à milieu, fin du spectacle, où vraiment le trash était constant et présent, là, tu sais, du début à la fin. Mais c'était surtout la danse qui prenait le dessus, particulièrement dans la crowd à droite, justement, là. Gang de chummies, là, qui ont du plaisir. Beaucoup de filles qui dansent. Je dis beaucoup de filles, mais il y avait un gars, il était aussi sur le party quand il a fini son verre. Il l'a lancé en l'air avec tous les glaçons qui revolent un peu partout. Je sais pas si c'est l'esprit des fêtes, les glaçons, évoquer la neige et Noël. Je crois plutôt que c'était plutôt pour faire un peu fêtard. Mais oui. un peu tannant, un peu coquin. Ils dansent, ils s'amusent, ils sont rigolos. Il y avait surtout, parce que elle sortait de nulle part, mais dans le bon sens du terme, parce qu'elle était seule et elle dansait de mouvements ondulatoires, comme un serpent, mais comme une fée. Elle était mystérieuse et elle évoquait l'enchantement à la fois. Elle était aussi un peu comme goth punk, colorée. Elle avait vraiment un style à elle. Et je trouvais ça tellement merveilleux. Oui, qu'elle puisse... elle était libre de ses mouvements. Puis à un moment donné, oui, elle était proche du pit, elle était pas mal en avant, mais elle continuait à danser de sa manière très personnelle, sans que, tu sais, ça... oui, elle pouvait être accrochée par le pit ou... Tu sais, tout ça n'avait pas de lien. Elle dansait pour les goulinatiques, puis elle dansait aussi pour elle. Puis j'adore ce genre de comportement-là dans la foule. On le voyait qu'elle était juste elle-même. Elle faisait comme bon lui semblait, parce que... Mais sauf que c'est le genre de danse, tu sais, ça peut demander de l'espace ou juste comme... Ouais, de juste détonner du reste de la foule, là, qui est plus... ouais, que ça danse, mais c'est plus mollo, juste le trash. Ça ressort du lot, mais dans le bien. Et quand je dis que dans le spectacle, les filles étaient bien à l'honneur, je les trouvais bien présentes. Puis durant le Groovy Advark aussi, je peux pas dire, c'est pas proportionnel, là, on n'était pas à la parité, là, c'est pas 50-50 dans la foule. Simplement, elles prenaient leur place et on le voyait qu'elles étaient heureuses, à l'aise, puis qu'elles faisaient comme bon leur semblait. Et par rapport des fois avec, je sais pas, avec tout ce qu'on entend dans les spectacles ou de vouloir des free space, ben j'avais l'impression que ici on avait, j'avais l'exemple d'un bon spectacle où tout le monde, je sais pas, se sentait à sa place et que oui, quand je dis les filles sont à l'honneur, c'est que oh mon dieu, je trouve que c'est une des... Ah, c'était tellement beau. La fille, tu sais, tu vois qu'elle veut s'énerver, elle arrive avec son chum dans la foule et son chum il fait signe, donne-moi ta sacoche parce que la fille elle veut trasher, pas le gars qui veut trasher, la fille. Fait qu'elle donne sa sacoche pour avoir les mains plus libres pour aller trasher. J'ai trouvé ça tellement cute! C'est tellement cute! Bon, peut-être que le gars, il s'est retenu de trasher pour tenir sa sacoche. Là. Ça, ce serait triste. Mais là, tu le mets en dessous du stage. Parce que c'est ça, l'avantage des foufounes électriques, c'est que tu peux mettre bien les affaires en dessous du stage. Mais bref, je crois pas que c'était son intention. Le gars, il est resté mollo. Puis je crois que les deux étaient bien satisfaits de comment ils vivaient leur spectacle. Mais oui, déjà que c'était un peu à l'opposé des fois qu'on peut se faire à l'image de « Ah, les gars qui participent plus » ou « Les gars qui veulent pousser ». Mais là, c'était l'inverse. Je les connais pas, puis je pourrais même pas les respotter dans la vie, là, mais le fait qu'ils fassent un signe comme « Ouais, donne ta sacoche, chérie. J'ai été conquise. J'ai fait comme « Quelle foule merveilleuse. Je vous adore. Vous êtes beaux. Alors... Alors voilà, ben oui, c'était un très bon spectacle. Et il y a même eu la visite de Marc Vaillancourt de Barf, puisque, ben, originalement, il chante dans Nature Morte. Et non, je vous passerai pas cette chanson-là, parce que je vous l'ai déjà passée récemment sur les ondes de CISM. Puis même si oui, je passe des fois les mêmes groupes d'une semaine à l'autre, mais on va aller quand même, au nom de la variété, écouter une autre chanson des Goulunatics. Et justement, je trouve que c'est une que, tu sais, le trash a bien embarqué durant Grenage, alors ça vaut encore plus la peine de l'écouter en grenage sur les ondes de la marge. Scénario. La lumière que j'allume ne sait pas nous rappeler. Vivre clairement, multiples visages du risque. Connu Groovy Hot Vork. C'est bien difficile de choisir qu'une seule chanson à vous faire écouter, cher auditeur. Ah, mon Dieu! Ah! Oui, c'était... Tu vois, j'ai... j'ai la misère à vous déprésenter le Saint Matériel. Tout simplement, j'aurais voulu toutes les mettre. C'est toutes des hits! Oui, j'ai décidé aussi de vous passer tout de suite du Groovy Hot Vork avant même de vous en faire la critique. Tout simplement parce que le spectacle aura rendu hommage à plein de groupes. Mais avant, explication. Alors, oui, Groovy arrive sur scène. Notre beau Vincent qui dit « Bonsoir, mesdames, messieurs, et tous ceux entre les deux. » Et c'est drôle, on dirait que vraiment, c'est une critique de crowd. Ça paraît que c'est à la fin de l'année. J'ai l'impression que je fais... dans ma tête, je fais beaucoup un retour sur, les événements sociaux qui se sont passés, puis les perceptions maintenant qui changent dans la crowd. Et je trouve que c'est une très belle façon d'être inclusive comme présentation. Je sais, tu sais, c'est très simple, c'est juste une phrase. C'est mesdames, messieurs, puis tous ceux qui sont entre les... Tu sais, tous ceux qui sont entre les deux et qui se considèrent entre les deux. Et pour... oui, je trouve ça extrêmement beau. Ça a commencé, le show à peine, là. Je veux dire, il a dit une phrase, puis je suis déjà comme... C'est fantastique. Mais c'est les petits détails qui font qu'on peut se sentir tous à sa place. C'est simple, c'est efficace. Alors voilà, j'ai déjà comblé puis il a dit une phrase, bref. Et il nous arrive avec une pile de t-shirts. Je suis comme, il vient faire son lavage. Mais non, Jolene, mais non. Il nous présente tout simplement son concept. Alors, il est quand même drôle, son concept. Alors, il nous présente sa pile en disant, ceci est une pile de mes t-shirts à moi que je porte dans la vie. Et Il y a tout plein de groupes dessus. C'est des groupes que j'aime. Et j'ai décidé que pour ce spectacle, qui, ben oui, tout à fait spécial, ça fait 15 ans qu'il n'est pas allé au Fouf, il allait présenter chacun des bennes qu'il allait avoir sur son T-shirt. Et donc, qu'il allait se charger à chaque chanson. Et il a lui-même fait le constat, c'est que c'est une idée plutôt brillante parce qu'il reste toujours... il reste toujours frais. Tu sais, il n'est pas dans un gilet suin. Après avoir sué, là, il n'est pas tout dégueu, là. Ah, ben oui, il était toujours dans une bonne odeur de Facely, mais je ris parce que oui, ça donnait aussi l'occasion de voir Vincent Pique tout le temps en bédaine. Quand est-ce que tu dis que ça va arriver, à part qu'il l'enlève puis qu'il veut jouer en bédaine? C'est plutôt commun dans le rock. Mais cette fois-ci, de plutôt toujours se changer, ça aurait pu amener à des grivoiseries, de la petite joke plate. Puis il y en a eu juste une, là. Il y a eu juste une fois qu'on a entendu « à poil » et ça n'a pas eu tant d'écho. Le gars le dit, puis on... C'est ça, ça n'a pas eu de réponse, ni sur la scène, ni dans la foule, et surtout, je pense que ça n'a pas été crié assez fort pour que ça ait vraiment un impact. Faut dire aussi, tout bon sexiste est aussi comme, c'est un gars, fait qu'on se dit, c'est une mauvaise blague, et c'est tout, puis on prend ça un peu de façon banale. Mais oui, fait que bref, on va avoir vu le garde-robe complet de Vincent Pique tout le long du spectacle, en commençant par les Goulunatics. Alors non, je ne vais pas vous en passer sur les ondes de CISM, mais mes prochains choix musicaux seront des t-shirts que Vincent portait, et oui, aussi des groupes, bien évidemment. Le show va avoir... Ça commence en force, là, je veux dire. Les gens sont venus, puis ils veulent, comme je vous ai dit, ils veulent fêter. Ça se sent, ça se voit, c'est comme... Ça explose, là. C'est une grosse fête. Je trouve vraiment que les bands qui ont marqué l'underground, Montréalais, mon Dieu, je veux dire, québécois, il y a une énergie... particulière. Déjà que je trouve qu'il y a un son distinct, je trouve aussi qu'il y a une énergie distincte. C'est une crowd de débordement. Tout le monde, ils ont un petit peu trop bu. Puis on va être du fun. Ça s'énerve un peu trop. Ça poussaille n'importe comment. Mais ça dépasse un peu les... Ça pousse, là, disons, les habitudes. T'sais, on fête plus, on s'énerve plus, on boit plus. Mais on pousse pas non plus à une limite où on devient... à peut-être quelques exceptions, là, on reviendra là-dessus. Mais on va pas, on tombe pas dans des excès où on n'est pas dérangeant. Je trouve que c'est comme dépasser les bornes, mais juste assez, juste correct. C'est magique, juste la bonne limite où tout le monde continue d'avoir du plaisir puis à trouver sa place dans la foule. C'est ça que je trouve magique, unique de Groovy Aardvark et de toute cette année-là, mais particulièrement Groovy. Je suis chanceuse parce que... je veux dire chanceuse, c'est pour mon âge. Moi, j'ai découvert Groovy, puis c'était leur show d'adieu, c'est pour vous dire. Et parce que j'étais ado quand est sorti Sévice Rendu, là, c'était en 2005. J'allais au show Métropolis où c'était comme... oh mon Dieu, c'était une orgie, là, de demandes spéciales, de gros trip de Vincent Pique, c'était de la folie furieuse là-dessus. Mais question crowd, je trouve vraiment que j'ai trouvé le climax d'énergie, de plaisir ce soir-là au Foufoune électrique. Ouais, il y avait un concentré de bonne foule à la Groovy ce soir-là. C'était merveilleux. Et quand je vous dis ça, c'est comme... je pense une des premières tunes, c'était quelqu'un, puis... je trouve que c'est une chanson où on pourrait bien jumper, puis sauter dans tous les sens, puis accrocher le monde. Puis c'est ça un peu l'atmosphère. Je trouve qu'il y a un esprit d'auto-tamponneuse. Tu sais, c'est comme ça se pousse, mais tu sais, tu te fais pas réellement mal, mais ça se bouscule beaucoup. C'est incoordonné, c'est chaotique, comme les auto-tamponneuses. Mais de là à dire qu'on se blesse, non, c'est plaisant. C'est plaisant, puis c'est beau. Puis c'est beau aussi de voir des moments. Encore une fois, elle était présente. La dernière fois, j'ai vu la mère de... Dis de même, là, j'ai vu la mère de Vincent Peake. Mais oui, elle était venue voir le show de Floating Widget au divan orange. Mais là, il y avait une madame qui avait visiblement l'air d'une maman, là, en tout bon préjugé. Mais là, j'étais plus certaine si c'était elle ou non. Finalement, ce n'était pas elle. C'était une autre maman. Une maman mystérieuse ou tout simplement une fan. Mais elle était tellement cute, la maman, parce qu'elle était un peu à l'écart. On voyait qu'elle avait du plaisir, puis qu'elle dansait, puis qu'elle s'énervait à sa façon. Mais en même temps, elle voulait être un peu protégée. Fait qu'elle était sur le côté de la scène, puis elle a décidé de comme glisser l'affiche, la banderole plutôt, parce qu'elle était en tissu avec des bouts de métal. Là. Elle a pris l'affiche de Blinded by Fate pour se faire comme une... comme pour se faire un périmètre de sécurité. Fait qu'elle avait comme le panneau devant elle pour se protéger des coups. Puis pendant ce temps-là, elle a dansé en arrière. C'est la chose la plus ingénieuse et la plus cute que j'ai vue durant le spectacle. C'était de toute beauté. J'avais des sourires complices parce que je la trouvais trop amusante puis trop adorable. Puis en même temps, j'étais comme, c'est-tu la mère de Vincent Peake? Finalement, je l'ai compris à la fin du spectacle puisqu'il l'a présenté. C'était son anniversaire et elle était au balcon. Sur ce, parmi tous les groupes qu'il a présenté, il a présenté aussi, des restos. Il a présenté le Trou du Diable. Tu sais, ça peut aller un peu plus largement que juste de la musique. Il a présenté dans ses T-shirts, Vincent, il a présenté le 117 Records de Steve Joly et il a aussi présenté Lubic qui est signé sur 117 Records. Je crois que c'est bien l'occasion d'aller en écouter de leur album Vivant Lubic avec la chanson One Shot Deal, partie 1. Vie à sauter dans le trafic, c'est plus fort que moi, j'ai pas de contrôle comme de quoi nager. Pose pas de questions ensemble, on pack et puis on décaisse. C'est pas pour rien que je pense ma vie à me poser des questions. Des fois j'aimerais ça, mais c'est impossible de tout comprendre. Tout dans mes peurs qui font en sorte que je tombe à reculons. Avant de me dire que c'est fini, je vais pousser les limites. Ça fait longtemps que j'ai compris que les secondes sont fragiles. Je pense qu'il passe, qu'il m'arrive, c'est moi qui décide. Pour avancer, c'est all in à tous les jours. Et tout ce monde, j'attendrai pas que la mort te ramasse. Y'est pas question, y'est pas question que je vende ma chance. Les idées tournent trop vite, j'peux pas nier que par amenage vaut la vie comme un kid. Si tu fais down man, j'te sors en ville. Pendant qu'à côté de toi, la planète spin. Tu fais ton best pour que ta vie soit celle que t'imagines. Écoute ton cœur, tout devient plus facile. Encore de bout du verre à sauter devant mon mic. Pour le poste de faire à deux de vivre les vraies affaires. Si on commence ensemble, je veux plus que ça arrête. Si pour une fois encore on se dit qu'il faut ce qu'il faut, j'commençais pas à te faire d'accroire ou à jouer un rôle. Chaque jour il va faire beau. Même si je te retrouve en bas du pont, je te donnerai jamais raison. Je t'espère trouver mieux que de l'aimer à ta façon. Continue dans la face à concept, puis tu changeras pas. Fais-toi mal, t'as l'air d'aimer ça. Athéna sur les ondes de CISM. La chanson Pour un tour dans les draps se retrouve sur leur album Mononucléose, et vous avez aussi entendu Lubic. Et oui, je vous ai fait la critique dernièrement de Lubic, et pour moi, c'est drôle comment tous les t-shirts, ben soit c'est des bands que j'avais déjà vu en spectacle, que je connaissais, mais que ça m'a... Oui, je crois que c'était son objectif à Vincent Pique de nous faire découvrir ou redécouvrir des bands québécois, la plupart aussi chantant en français. Mais ouais, ça aurait été efficace comme concept, qui est plutôt simple, on va se dire. Là, je veux dire, ils changeaient de t-shirt à chaque toune. Ça aurait pu aussi être redondant. Ça aurait pu être bien des choses. Je me dis, ce concept-là n'aurait pas pu être fait par quelqu'un d'autre. Parce que le nombre d'anecdotes qu'il avait, ils étaient parfois assez savoureux, merci. L'anecdote en Allemagne du gars qui voulait se battre dans les toilettes parce qu'il portait un t-shirt de Voivode, puis après ça, ils sont devenus amis, puis bref, fallait être là. C'est ça que j'ai envie de te dire, crowd. Je pourrais passer comme un quart d'heure à raconter toutes les anecdotes, mais je crois surtout qu'il fallait y être. Et oui, c'est chose du passé, hein, les spectacles. Je salue justement Jeff qui m'a appelé tout à l'heure et qui a dit qu'il manquait le spectacle. Je te comprends d'être triste. Je suis vraiment heureuse d'y avoir été. Comme je dis, la crowd était le fun. Le concept a rendu la soirée unique, malgré c'est ça, là. Ah, tu sais, critique de crowd. Je vois la vie et la foule avec des lunettes roses, mais des fois, elles sont quand même un peu pâlottes, mes lunettes roses. Je pense à... Quand je vous disais débordement, trop boire, on va le dire. Je trouve que, tu sais, déjà, boisson d'avril, là, je veux dire, c'est le nom d'une saintoune. Tu sais, il y a quand même une bonne portion d'alcool dans... et dans la musique et dans la foule. Et il y avait une punkette plutôt oi qui... Ouais. Je la trouvais bien friendly au début, mais je me suis dit... Moi, au final, je pense que je l'ai trouvée agréable. Je trouve que... Oh mon Dieu, je suis plus capable de mettre de mots. Je veux pas... Elle dépassait un peu les limites parce qu'elle tombait, elle vargeait dans le monde. Elle était peut-être un peu lourde dans son comportement. Mais étant donné que ça m'a pas heurté personnellement, je le prenais pas mal. Et je vous dis, au début, je la trouvais plutôt friendly parce que j'ai toujours l'habitude, quand je vais au Fouf, de mettre mes affaires en dessous du stage. Parce que, ouais, pour quand je traîne mon calepin ou juste mon téléphone prendre des notes, j'aime ça pouvoir laisser mes choses près de moi. Et elle a fait la même chose. Elle a laissé son coton watté juste à côté de mes affaires, puis elle m'a fait un high five parce que j'ai dit, moi avec, je mets mes affaires en dessous du stage. Quel point en commun, me dites-vous? Ah oui, tout à fait! Fait que ça leur a suffi pour créer des amitiés, des high five. Et en même temps, c'est elle qui m'a amené dans le pit un peu indirectement. Elle avait une certaine tendance à prendre les gens comme autour du cou. Ah oui, elle était camarade avec tout le monde. C'est pour ça aussi que je dis comme dépasser les limites. Tu sais, je l'ai pas surveillée jusqu'à la fin, mais tu sais, des fois, j'ai l'impression qu'elle avait commencé à avoir un petit peu de la misère. Mais son entrée, qui était quand même violente, là, elle était peut-être pas proche d'être fringante, plutôt tu sais, était, ouais, punk, Et ouais, des fois, justement, c'est cette douce et mince limite entre beaucoup de plaisir et ça pourrait déraper. Des fois, ça pourrait être un peu complexe. Mais mis à part elle, je crois que la plupart des gens étaient étaient encore bien conscients de leurs actes et de leur façon de se comporter dans le mosh pit. Et sinon, c'est vraiment pas elle qui m'a le plus affectée dans la soirée. C'est une anecdote qui me fait de la peine. Parce que... Oui, comme je vous ai expliqué, Vincent Pille qui lance des t-shirts. Et bon, au lieu de les lancer un peu n'importe où dans la scène, ben il les lance à une fille qui filme le spectacle avec une GoPro. Et elle a un sac et elle récolte tous les t-shirts. Je crois qu'elle est pas mal organisée. T'sais, on a compris que c'était déjà arrangé qu'elle allait récolter tous les t-shirts. Sans, tu sais, c'est pas dit là, à voix haute. Là. On fait juste comme si t'es proche de la scène, tu le comprends, le concept. Et c'est plutôt pratique parce que au début, je me suis dit, pourquoi il garoche pas un peu partout? Ça aurait pas été efficace. Mais moi, je suis du genre à perdre facilement mes affaires. Fait qu'oublier un t-shirt de même sur la scène des Fouf puis revenir deux jours plus tard en disant comme « Ouais, il manque un t-shirt sur 14 », ça aurait été bien possible. En tout cas, c'est de la transposition, mais je me dis que oui, son idée aurait été fort efficace parce que la fille, il les récoltait, tu sais, il lance pas loin. Fait que ça marchait. Sauf au t-shirt qu'il fallait donc ben pas échapper. C'est un t-shirt de Groovy Aardvark qui a eu 50 copies. Ben bref, il y a eu 50 gaminets là en tout et partout qui a été printé dans les années 90. C'est vraiment tu sais dans les tout débuts. Il y en a juste 50, tu sais comme lui, son t-shirt à lui, c'est le seul, il est pas retrouvable. Il faut que la fille elle l'échappe. Elle l'échappe pas. Il est juste un petit peu lancé plus loin. Il y a une fille derrière elle qui l'attrape. Ça pourrait être bien camarade. Elle pourrait juste lui retendre et dire « Tiens, voilà ce joli gaminet qui est historiquement fort intéressant pour la vie musicale et rock québécoise. Prends-en soin. » Mais non, c'est pas de même partout que ça se passe. Puis là, je suis choquée. Je suis vraiment choquée parce que à quel point du matériel peut te tenir à cœur. Et ça pourrait aller dans les deux sens. Mais on va se le dire. Je veux dire, dans la vie de Groovy Aardvark, ce t-shirt a beaucoup plus de valeur que dans la tienne en tant que fan qui trippe sur le Ben. Même si t'es la plus fan des fans finis, je peux pas croire. Émotivement, t'as pas le même rapport à l'objet. Tu peux pas y tenir tant à cœur. Et, oh mon Dieu, moi j'étais devant, puis là tu vois la fille attire sur le t-shirt, puis elle était comme, ordonne-le-moi, tu sais. Je récolte les t-shirts de Vincent Pig, ordonne-le-moi. Puis la fille est comme, ah, oh, s'il te plaît, je vais te l'ordonner à la fin du spectacle. J'étais comme, qu'est-ce que c'est ça, cet argument pourri-là? Je veux dire, c'est quoi ça? Quel mensonge mauvais! Et il a vraiment fallu qu'elle s'ostine un bout. Le pire, c'est que, tu sais, je voyais la situation, puis alors, je prends le morceau, puis je trouvais tellement que c'était du matérialisme mal placé que j'étais comme, mais voyons, ça me donnait le goût d'intervenir, dire, fille, la vie est courte, là, t'en as pas besoin de ce t-shirt-là, là. Laisse-y. Il y a juste une fraction de seconde de temps et de force dans le bras qui a fait en sorte que c'est toi qui l'as, mais pas la bonne fille destinée qui devait le recueillir. J'ai été vraiment... C'est le moment, tu sais, c'est super banal, puis qu'en même temps, je suis déçue de l'espèce humaine. Je suis comme, ah! Ça aurait pu ne pas faire une situation, puis là, tu sais, ça vient juste gâcher le fun qui était comme si simple, si efficace, si beau. Je vais terminer là parce que oui, je suis vraiment choquée, je suis vraiment triste, mais ça s'est bien terminé. Là. La fille, elle a ordonné le t-shirt finalement, mais tu sais, d'avoir gossé, ça valait pas la peine. Crowd. Les objets comme ça, ça vaut pas la peine. Ça vaut pas la peine. C'est bien que tu gardes tes objets à toi durant le spectacle, que tu perdes pas tes souliers, ni ta montre, ni ton téléphone, mais les affaires des autres, laisse-les aux autres. Sur ça, on s'en va écouter du barf parce que, ben oui, Marc est revenu faire un tour puis chanter. On va aller écouter une chanson de leur plus récent album, ben oui, The Barf, Brûle, Consume et Torture. On va écouter Crever de soif. Bye. live sur les ondes de CISM. Et voilà déjà la fin de cette critique de Crowd, de la guignolée de l'Underground et de Groovy Hot Vibe, dont les fans sont toujours aussi fervents. C'est beau à voir parce que la musique reste toujours aussi bonne. Sur ce, pour tout commentaire, suggestion, parce que de la jasette en ondes, c'est moins pratique, les tunes sont courtes, mais par écrit, puis sur Facebook, c'est encore bien mieux. Alors, vas-y gaiement sur le Facebook de Critique de Crowd. Je m'appelle Jolène Ruet. C'est toujours un honneur d'animer sur les ondes de La Marge. Je vous prépare un beau spécial pour le temps des fêtes. C'est à suivre. Et surtout, on va finir en chanson avec les Dayla Woodchuck. Bye bye. Au Quai des Brumes, nos spectacles sont lundi 11 décembre, The Prohibition Ragtime Ramblers. Mardi 12 décembre, en 5 à 7, Les Scrotums de l'Indifférence et en soirée, Lune numéro 3. Mercredi 13 décembre, en 5 à 7, Era Ménard. Et en soirée, Local Creature et James Clayton. Le jeudi 14 décembre, en 5 à 7, le lancement de vinyle de Jason Bajada. Et en soirée, Thierry Bruyère et Vincent Appelby. Vendredi 15 décembre, ISA et FIX. Le samedi 16 décembre, soir de surprise ou suspense. Je pense que c'est un ou l'autre. C'est pas un nom complet, je pense que j'ai un ou l'autre. Soir de suspense ou soir de surprise? Ouais. Samedi 16 décembre, soir de suspense. Dimanche 17 décembre, déploque de Noël avec Navet Confit, Géraldine et Otari. Bye bye! Quai des Brumes, coin Mont-Royal et Saint-Denis. Pour plus d'infos et toutes les dates, visitez notre page Facebook. Hey Gab, t'as-tu le temps pour une bière après ton cours? Ben certain, mais je t'avoue que j'aurais le goût de boire autre chose que de la bière commerciale. Je commence à être un peu tanné. Ben là, on a juste à aller au Medley Simple Malt. Le Medley Simple Malt? Ben oui, c'est le bar Simple Malt Brasseur au coin de Bellechasse et Saint-Hubert. Ils ont tous les grands classiques de bière brassés au Québec puis en fût à part de ça. Wow, là tu jases. On se rejoint là-bas après mon cours? Parfait, à tantôt! Simple Malt Brasseur, de la vraie bonne bière en vente presque partout. Alors... 1425, propulsé par Commotion, Agitateur de culture, présente Big Flo et Oli à Laval. Le duo de frères toulousains Big Flo et Oli viennent présenter son deuxième album, La Vraie Vie. Longtemps le plus jeune groupe de rap français, il fait maintenant partie des meilleurs. Il propose du hip-hop pur et émouvant.